plus beau costume. Je nagerai vers des eaux profondes pendant mon séjour posthume. Je défendrai les causes de ce monde, des fils de fortune et de bitume. Je battrai les démons à la fronde et les anges perdus à la plume, à la plume. J'écrirai des lettres posthumes, je te refuserai si tu postules. J'écrirai des lettres pour renaître, je crierai depuis mon être. J'écrirai des lettres posthumes, je te refuserai si tu postules. J'écrirai des lettres pour renaître, je crierai depuis mon être. À ta fenêtre, à ta fenêtre. J'attendrai que le sablier s'effondre après tes soleils et tes lunes. N'oublie pas de compter les secondes, prends soin de nos feux qui s'allument. Les murs sont durs mais ils saignent, ils sont fragiles, des plaintes d'argile. Rappelle-moi que je t'enseigne l'art de trébucher, d'être agile, d'être agile. J'écrirai des lettres posthumes, je te refuserai si tu postules. J'écrirai des lettres pour renaître, je crierai depuis mon être. J'écrirai des lettres posthumes, je te refuserai si tu postules. J'écrirai des lettres pour renaître, je crierai depuis mon être. À ta fenêtre, à ta fenêtre.